Ces balises matérialisent le tracé extérieur des virages qui n'apparaissent pas clairement aux automobilistes. Elles sont généralement blanches et comportent une bande rétro-réfléchissante blanche, elle aussi. Dans les régions fréquemment enneigées, la tête de la balise est de couleur rouge pour bien les voir en période hivernale. Ces balises signalent donc un virage dangereux. Réponse A.